un mal. Chapitre 9. Au temps convenu, la vieille duque tira l'un après l'autre ses maigres jambes hors du lit. Elle passa un jupon, agrafa une jaquette sur sa chemise et chaussa ses pieds nus de gros souliers à clous. Et ensuite, elle alla tirer de la pantille une brouette. Le petit jour pointa entre les arbres. « Debout, garçon » cria-t-elle. Il ne bougeait pas. Aplati sur la paille, il expirait sa forte respiration dans un soulèvement régulier de ses pectoraux. Elle le secoua de sa poigne rude. « Hein ? » fit-il en se dressant, et il la vit debout dans le carré de la porte, vaguement blanchi par l'aube. Il se frotta les yeux, bâilla, s'étira. « Oh ! Mais ta vie, la mère, que Gadelette ne serait pas de trop !» Le tas de feuilles sèches s'agita, vola en l'air, et Petite se mit debout d'un bond. De la paille s'était entortillée à ses cheveux bruns, crépelés comme de la bruyère. Un penaillon de jupe troué descendait jusqu'à ses genoux, bridé sur un ventre plat d'une maigreur sèche. La gorge n'avait pas plus de renflement que celle d'un garçon, et les jambes, sous leur croûte de terre poissée, montaient droites, sans mollets. Elle se jeta aux épaules un lambeau de veste, passa la tête dans la bricole, et se mit à pousser la brouette devant elle, martelant de ses pieds nus l'herbe trempée de rosée. « Moi, » dit Cachapret, « je file par ici, j'ai mes raisons. On s'attendra aux ronchaines, comme c'est dit. » Les fumées grises de l'aube embuaient les feuillages, rampés au ras du sol avec une pâleur aigre de givre. Un reste d'obscurité s'en mêlait au tronc dans la profondeur. Puis la clarté, comme à coup de hache, élargit sa trouée à travers les arbres. Subitement, une rumeur de gosier gazouillant s'éleva de la mer glauque des verdures, agitée de lentes oscillations, toujours plus longues. Il arriva à la clairière avant le soleil. La lumière mettait dans le levant comme une énorme palpitation de chair amoureuse. Un lac d'or s'étendait par-dessus les bois, lentement fondu à des bleus éteints. Et du côté de l'occident, une traînée de flocons blancs avait le frisottement des sables quittés par la marée, semblait voguer à la dérive dans la splendeur croissante du matin. Cachapret eut un juron joyeux. Il venait d'apercevoir sur l'herbe emperlée d'égaille la silhouette affalée du brocard. La tête étranglée dans le collet ouvrait d'énormes yeux semi-sortis des orbites. Une bave coulait des naseaux. La bête, ayant râlé la mort, avait laissé pendre sa langue blême dans une grimace convulsée du mufle. Il la chargea sur ses épaules. Puis, courbé, bondissant d'arbre en arbre, il prit sa course. Au ronchêne, la duque l'attendait. C'était un arbre très large et le plus gros chêne du triage. Cela lui avait valu d'avoir un nom parmi les autres. Il avait poussé au milieu d'un fourré. « Hardi, vieille ase !» cria le gars. « V'là le soleil qui tape !» Un éblouissement passa dans l'air. C'était le premier rayon qui s'abattait à travers la forêt. Avec des gestes rapides et précis, dont aucun n'était perdu, il aida la vieille à couper les ramons, les entassant ensuite et les liant avec de la corde. Et quand il y en eut une pleine charge, il étendit le chevreuil sur une première couche. Le corps tourné en rond, les pattes repliées et la tête au ventre. Une seconde épaisseur couvrit la bête, et il tassa le tout, pesant à plein corps sur la brouettée. Petite, pendant ce temps, allait et venait faisant le guet. On entendait continuellement le grincement des feuilles sèches sous son piétinement pressé. « Hardi, hardi !» criait toujours le gaillard. Il tira la brouette et la poussa à travers le taillis jusqu'à la coupe où se dressait le petit chêne. Là, il fit halte. Il commanda à la duque de ramasser des ramets. « Et toi, Gadelette, et l'œil !» Il alla à la cachette du chevrotin. La bête avait gardé de son agonie une douceur triste. Une stupeur nageait dans son œil large ouvert. Comme elle avait 12 mois seulement, un rang de ramée suffit à la cacher. Satisfait, l'homme battit ses mains l'une dans l'autre et cria « Hu, vieille ase, chez Romiron à présent, tu sais, le boulanger !» Et il ajouta le nom de la rue avec quelques recommandations. Ne pas balancer la brouette, ne parler à personne, et si elle était interrogée, répondre qu'elle allait chez Romiron vendre des ramets. « Ah, donc !» fit la vieille. « Crois-tu que je me laisse moucher le nez par les gens ?» Elle raidit son échine et d'un coup de bras vigoureux, enleva la brouette. Petite s'était mise en avant et de toutes ses forces tirait une corde passée en travers du corps.